Exercice 12, page 129. Le matin, au moment de rejoindre la table du petit déjeuner, alors que l'odeur chaude du café m'indiquait que mon père était déjà attablé, j'ai traversé le salon sur la pointe des pieds.